Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre partage, nos études dans l'épître de Jean. Et ce matin, on entame le chapitre 4. Donc nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, c'est un grand privilège de pouvoir s'adresser à toi. C'est un grand privilège de pouvoir dire que le Père du monde, le Créateur du monde, m'écoute quand je parle, car je suis en Jésus. Et Seigneur, nous voulons que tu nous apprennes de plus en plus à prier au nom de Jésus. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire de prier selon ce que tu nous as instruit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Seigneur, nous voulons prier en ton nom. Mais pour cela, nous devons comprendre qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, quel est ton plan, quelle est ton ambition, si je peux dire quand même, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu, pour le Père, afin qu'on puisse bien prier selon ce que toi, tu es en train de bâtir. Parce que nous demandons des choses au nom d'eux. De grands privilèges. Et ce matin, nous allons voir encore des raisons pourquoi on a ce privilège-là. Et qui nous a acquis ce privilège-là? Comment ça nous a été acquis? Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette certitude que nous pouvons nous adresser à toi? Parce que ta parole nous dit que la prière de l'infidèle est une abomination à tes yeux, mais que la prière de tes enfants est une adoration presque, est une louange presque, parce que nous reconnaissons tes attributs en te priant. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Amen. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, Jean, ici, va, à cause de ce qui se passe dans l'Église, à cause des troubles qu'il y a dans l'Église, à cause de ces antéchrists qui sont là, dans l'Église, de ces gens qui disent qu'ils sont dans la lumière, mais qui vivent dans les ténèbres, de ces gens qui ont de la misère à confesser Jésus-Christ, comme étant le Christ, le Fils de Dieu, tout cela, Jean dit, vous devez apprendre à discerner, vous devez discerner les esprits. Vous ne devez pas ajouter foi à tout esprit, à tout ce qu'on dit. Vous devez les éprouver, les esprits, ou les tester. pour savoir que ce qu'on vous dit vient de Dieu. Car il dit, il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et tout au long des épîtres, à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin de l'Apocalypse, le grand trouble de l'Église, c'est qu'il y a dans son sein des faux prophètes, des faux docteurs. Paul l'avait dit carrément, il dit, après mon départ, il va rentrer parmi vous des loups. Pierre va dire la même chose, il y a parmi vous des faux docteurs. Jean il dit ici la même chose, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et ces faux prophètes-là viennent dans l'Église. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'Épître, ils veulent vous séduire, ils veulent vous égarer, ils se disent éprouver les esprits. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, soit sur Internet, soit à la télévision, soit dans les livres que vous lisez, soit dans les gens qui vous parlent. Éprouvez les esprits. Testez ce qu'on vous dit. C'est important, dit-il. Et ce matin, j'ai intitulé le partage « Nous sommes de Dieu ». Nous pouvons éprouver les esprits, mais en éprouvant les esprits, ben on devrait tout de même s'éprouver soi-même et voir en nous les tests. Si on teste les esprits qui sont autour de nous, ben en même temps, on devrait être capable de voir si nous, on est en Dieu. Mais Jean ici déclare aux chrétiens « Nous sommes en Dieu ». Parce qu'il voit trois choses qu'on va voir ensemble, qui lui dit à lui, à Jean, que les enfants de Dieu à qui lui s'adresse sont en Dieu. Nous sommes de Dieu. Trois raisons. Première raison, verset 2. Reconnaissez que tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Puis là, il dit le contraire au verset 3. Tout esprit qui ne se déclare pas pour Jésus, c'est l'Antéchrist qui est là. Donc, il dit, ceux qui se déclarent publiquement pour Jésus venu en chair sont de Dieu. Ceux qui disent que Jésus-Christ est venu dans le monde. Quand il dit qu'il est venu en chair, c'est qu'il est venu d'ailleurs. C'est pas dur de croire que François Nolette est en chair. Parce que je suis un être humain. Mais il y a des gens qui disaient que Jésus était venu sous forme d'apparence humaine, d'apparence physique, mais qu'il n'était pas vraiment 100% humain, en chair et en os, comme nous, on va dire. C'est pour ça qu'on a vu ensemble qu'il a commencé son épître en disant « Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché de nos mains. » Il dit « Toute personne qui se déclare que Jésus est venu dans le monde en chair est de Dieu. » Mais pourquoi il dit « publiquement » ? Donc, Jean ici appelle les gens à prendre position. La façon que je vais le faire publiquement, ça va aller avec ma personnalité. Hein? Il y en a qui pourraient écrire un traité là-dessus pour montrer que Jésus est venu en chair. D'autres pourraient faire un sermon là-dessus. D'autres vont juste quitter l'Église qui prêcherait que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Parce que c'est la façon qu'il prendrait position publiquement. Nous ne croyons pas ce que vous dites, mais ils ne vont peut-être pas entreprendre un grand débat public contre des... C'est peut-être pas leur capacité, leur don, leur talent, mais ils vont prendre une position selon leur personnalité, selon leur âge, selon leur culture dans laquelle ils sont, mais ils vont finir par prendre position publiquement contre ceux qui proclament que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Ils vont peut-être se rassembler en tant qu'Église, en tant que groupe, puis expulser de l'Église ces gens-là, Ça va être leur façon de prendre position publiquement. Donc, essayez pas de vous comparer comment vous allez prendre position. Mais si un jour, vous entendez qu'on vous dit que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, vous allez prendre position. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu en chair. En chair humaine, complètement humaine. Parce que s'il n'était pas complètement humain, il ne peut pas prendre la place des humains sur la croix. Il devait devenir homme, complètement homme, pour pouvoir sauver les hommes. Ça, c'est la première vérité. Ceux qui croient que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il prend position publiquement sont de Dieu. Ceux qui ne le font pas sont du monde. Et ils sont dans le camp de l'Antéchrist. Deuxièmement, verset 3. Excusez, 4. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Donc, pour moi, ce que le texte dit ici, ceux qui sont de Dieu ont vaincu. Qui ont-ils vaincu? Ils ont vaincu les faux prophètes. Ils ont vaincu l'Antéchrist qui est là, qui est dans le monde. On ne va pas entreprendre un grand débat comme comment ça se fait ça. Mais l'Antéchrist, c'est des gens qui prennent part, qui sont contre Christ, qui vont contre ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Il dit, vous les avez vaincus. Nous les avons vaincus. Et aussi longtemps que nous repoussons ces gens-là, ces gens qui viennent parler contre Christ. Ici, ils disent qu'ils ne sont pas venus en chair. Ailleurs, ils disent qu'ils n'étaient pas le Christ. Ailleurs, ils vont dire qu'ils ne sont pas le Fils de Dieu. Mais aussi longtemps que je repousse ceux qui vont contre Christ, qui vont prendre position contre Jésus-Christ, qui vont enseigner contre ce que Jésus-Christ a dit de lui-même et de son œuvre qu'il a accomplie, je peux dire, je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Combien il y a de mouvements évangéliques aujourd'hui dans le monde qui vont dire que Jésus-Christ, c'est pas vraiment Dieu. Il a parlé de la part de Dieu. D'autres disent, ah ouais, mais il a pas vraiment fait des miracles. C'est ses disciples qui disent ça. Puis là, ils vont changer l'enseignement que Jésus-Christ a fait à son propre sujet. C'est pour ça qu'il va dire lui-même, « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, c'est important, ça. Mais il dit, « Comment est-ce que je vais les vaincre? » Ce n'est pas par ma volonté que je vais les vaincre. Il dit, « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, le monde, l'Antéchrist, les faux prophètes vont venir pour vouloir m'influencer, me séduire, m'égarer, m'emmener à renier le Christ d'une façon quelconque. Mais celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Et qu'on dise que c'est Dieu, qu'on dise que c'est Jésus-Christ, qu'on dise que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la même chose hein, pour moi. Et c'est cette force-là qui est en moi, qui m'a régénéré, qui m'a donné la sagesse de Dieu, qui va me donner la même capacité de repousser ces gens-là. C'est ça que Jésus a voulu dire dans Jean chapitre 10, quand il dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Donc, la preuve que je suis de Dieu, que nous sommes de Dieu, c'est qu'on repousse ces gens-là pendant toute notre vie chrétienne. On les repousse, on les rejette, on prend position publiquement contre eux. Non, Jésus c'est Dieu, Jésus s'est incarné, Jésus c'est la parole de Dieu, Jésus est venu en chair, Jésus c'est le Messie, Jésus c'est le sauveur du monde, Jésus est ressuscité, Jésus revient un jour. Nous gardons, et je le redis, mon grand combat de la vie, mon grand défi dans la vie chrétienne, c'est pas d'avoir une victoire sur le péché, malgré que, oui, on va combattre contre le péché. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Mais le grand combat de la vie chrétienne, c'est de garder la foi. C'est de pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, à la fin de notre vie chrétienne, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je les ai vaincus. Non pas moi, mais celui qui est en moi. Et je vais lui donner la gloire parce que j'ai pu vaincre les antéchrists, si je peux dire ça comme cela, à cause qu'il m'a, lui est venu habiter en moi, il m'a donné le discernement pour les voir, il m'a donné la force de les vaincre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que nous sommes de Dieu? Parce que celui qui connaît Dieu nous écoute. Jean parle, il dit celui qui est de Dieu nous écoute. Dans le nous ici, qu'est-ce que c'est? C'est qui le nous? Moi, on mettre les apôtres, mais je crois qu'on pourrait mettre les chrétiens en général. Quand nous proclamons les vérités par rapport à Jésus-Christ, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ceux qui sont du monde vont écouter les faux prophètes, finalement ils vont quitter. Ils vont finalement écouter les antéchrists, les hérétiques. Ils vont partir avec eux autres. Voyez-vous comment c'est fort? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je peux dire, je suis de Dieu, ou on peut dire ensemble, nous sommes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous confessons publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair. Nous les avons vaincus, ces hommes-là, ou ces antéchrists-là, ou ces faux prophètes-là. Et nous n'écoutons pas le monde, nous écoutons ceux qui sont de Dieu. Nous écoutons l'enseignement des apôtres. On pourra retourner jusque-là où on écoute ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui enseignent ce que les apôtres ont enseigné. Ceux qui nous écoutent sont de Dieu. Ceux qui ne nous écoutent pas ne sont pas de Dieu. Donc, tant que nous écoutons ceux qui sont de Dieu, là où je parle, nous écoutons ce qu'ils enseignent par rapport à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit écouter tout ce qu'ils disent par rapport à n'importe quoi. À toutes sortes de choses dans nos églises, de fonctionnement, de ci, de ça, de constitution, de membership, de toutes sortes de choses dans nos églises, qui ne sont pas des absolus que je dois croire. Mais quand ils enseignent par rapport à Jésus-Christ, je vais les suivre, parce qu'ils sont de Dieu comme je suis de Dieu. Et celui qui est en eux et celui qui est en moi nous donne la grâce de vaincre les faux prophètes. Nous sommes de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes de Dieu. Et pas à cause qu'on réussit à être plus saints que les gens, mais à cause que nous gardons la foi par rapport à Jésus-Christ, que nous n'écoutons pas le monde qui veut abaisser Jésus-Christ à notre niveau, qui veut en faire un bon gars, qui est venu nous montrer comment aimer les pauvres, comment faire du bien autour de nous. Il est juste venu nous montrer qu'il faut nous aimer. Finalement, Dieu est bon, puis on va tout aller au ciel. Puis, il change la vérité en mensonge. Et ils prennent le mensonge, puis en font une vérité. C'est pour ça qu'il est tellement important, frères et sœurs, de bien connaître la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Parce que plus je vais les connaître, plus je vais pouvoir discerner les esprits. Plus je vais pouvoir les éprouver. Je vais dire, oui, c'est eux que ça paraît donc beau ce qu'ils font. Oh, que ça paraît. Moi, je vois des grands hommes de mouvements religieux, là. Quand tu regardes leur vie, puis tu les écoutes parler, c'est donc ben beau ce qu'ils disent. C'est donc, ça semble donc humain, c'est donc touchant ce qu'ils font. Toutes ces dons, cette générosité-là, cet oubli de soi-même. Tout ce qu'ils mettent en place pour enlever la misère dans le monde. Mais quand tu les écoutes parler de Jésus et de l'œuvre de Jésus, je suis obligé de prendre position publiquement contre eux et dire « ils ne sont pas de Dieu ». Ils ne sont pas de Dieu. Ne jugez pas, premièrement, les gens par les œuvres qu'ils font dans le monde, je parle. de ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Juger les gens, premièrement, par ce qu'ils croient au sujet de Jésus. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu habites en nous. Merci que ton esprit habite en nous. Merci que le fait que tu es en nous, ça nous donne la victoire sur les faux prophètes. Ça nous donne la capacité de les vaincre. Ça nous donne la capacité d'avoir du discernement contre ces antéchrists-là et ces faux prophètes-là. Nous te donnons la gloire. Je te donne la gloire pour les 35 ans que j'ai vécu avec toi. Si je suis encore là, en train de prêcher ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait, c'est parce que tu es en moi, parce que nous sommes de toi. Au nom de Jésus, amen.